Eh bien, je serai brève pour abréger notre mutuel supplice, dit la baronne Hulot en regardant Crevel. Crevel fit un salut ironique dans lequel un homme du métier eût reconnu les grâces d'un ancien commis voyageur. Notre fils a épousé votre fille. Et si c'était à refaire ? Dit Crevel. Ce mariage ne se ferait pas, répondit vivement la baronne. Je m'en doute. Néanmoins, vous n'avez pas à vous plaindre. Mon fils est non seulement un des premiers avocats de Paris, mais encore le voici député depuis un an, et son début à la Chambre est assez éclatant pour faire supposer qu'avant peu de temps, il sera ministre. Victorin a été nommé 2 fois rapporteur de lois importantes, et il pourrait déjà devenir, s'il le voulait, avocat général à la Cour de cassation. Si donc vous me donnez à entendre que vous avez un gendre sans fortune, un gendre que je suis obligé de soutenir, reprit Crevel, ce qui me semble pis, madame. Des 500 000 francs constitués en dot à ma fille, 200 ont passé, Dieu sait à quoi, à payer les dettes de monsieur votre fils, à meubler mirobolamment sa maison, une maison de 500 000 francs qui rapporte à peine 15 000 francs, puisqu'il en occupe la plus belle partie, et sur laquelle il redoit 260 000 francs. Le produit couvre à peine les intérêts de la dette. Cette année, je donne à ma fille 20 000 francs pour qu'elle puisse nouer les 2 bouts. Et mon gendre, qui gagnait 30 000 francs au palais, disait-on, va négliger le palais pour la chambre.